Donc, on va regarder ce matin comment, quand je lis, quand quelqu'un va me dire Jean 3,16, comment est-ce que j'étudie le contexte de Jean 3,16? Ça va être notre texte de base ce matin. Puis on va utiliser notre Bible online, puis on va regarder comment utiliser la Bible online pour étudier un contexte d'un verset que je suis en train d'étudier. L'autre jour, j'étais à mon église, et le pasteur a prêché sur Éphésiens 4. Et j'avais de la misère avec quelques mots qu'il dit, qu'il voulait dire à l'affaire. Donc, je suis allé chez nous l'après-midi, ouvre ma Bible online, puis je suis parti pour 3 heures dans les recherches, puis je suis allé voir sur Internet, puis je suis allé voir partout, puis j'ai fini par découvrir que j'avais raison. C'était 3 heures que je cherchais pour arriver à voir est-ce qu'il a dit comme faux ou pas. Mais si j'avais pas été habitué à faire cette recherche-là, mais sur la cible, j'aurais écouté, j'aurais dit, ah, Dieu a dit ça. Mais c'était pas tout à fait ça. C'était pas faux ce qu'il dit. Mais dans le texte, est-ce que ça voulait dire ça? T'as pas tout à fait ça que ça voulait dire. Mais j'ai utilisé les outils que je vous ai fait utiliser tout à l'heure. Map, dictionnaire, mot grec, que j'avais fait de mes recherches. J'ai dit, hey, le mot veut pas toujours dire ça. Là, j'ai fait le mot, c'était le mot paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Puis j'ai dit, dans Éphésiens, Paul, dans Éphésiens, le mot paix, comment est-ce qu'il l'utilise, lui? Qu'est-ce que ça veut dire pour Paul, le mot paix, dans Éphésiens? Ça a changé mon idée pas mal. Pas mal. 9 fois le mot paix dans la petite épître. Et le mot paix dans la petite épître, c'est Jésus. Jésus, je suis la paix. Je suis votre paix. Quand il dit, regardez le lien de l'esprit par la paix, par le lien de la paix, c'est par Jésus qu'on garde ce lien-là, par la personne de Jésus. Ce n'est pas la paix entre nous qui va garder l'unité de l'esprit. C'est la paix en Jésus qui va garder l'unité de l'esprit. Enfin, une grosse différence. Un, tu me mets un fardeau. C'est moi qui conserve l'unité de l'esprit parce qu'on est gentil envers les autres. L'autre, c'est Jésus qui va garder l'unité de l'esprit. Si je laisse attacher à Jésus, je vais garder l'unité de l'esprit. Donc, c'est toute une différence, là. Parce que j'ai fait mes recherches de mots, comment l'auteur utilise ce mot-là. Parce que l'auteur peut utiliser le mot paix dans Éphésiens avec un sens et dans l'Épître aux Romains, un autre sens. C'est toi qui dois savoir ça. Tu dis, oh, Paul, ça veut dire ça, l'Éphésien. Oui, mais dans Romain, ça veut-tu dire la même chose? Peut-être que non. C'est à toi de voir ça. Mais c'est en étudiant le contexte qu'on fait la différence. Et c'est important de tenir compte de ça. Ça prend du temps. J'ai passé mon dimanche après-midi là-dessus. Mais si tu n'as pas le temps, si tu ne veux pas, tu as mieux regardé la piste de football, moi, je ne te fais pas de reproche. Mais c'est une autre approche. Tu vas te contenter à manger le poisson qu'on te donne au lieu de pêcher. C'est correct. 99% des chrétiens, c'est ça qu'ils font, c'est bien. Ils vont aller au ciel pareil comme nous autres, ils vont être à la même place que nous autres, au cours de Jésus, puis ils vont être heureux pour l'éternité pareil. Ça n'a pas rapport, là. C'est juste que, est-ce que moi, j'ai ce désir-là d'apprendre ça? Est-ce que je veux pêcher? Alors, sinon. Donc, on va lire le petit texte qui est ensemble, je vais le lire parce que, pour l'enregistrement, là. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, et celle qui vous est suggérée, vous pouvez l'adapter à votre guise. Donc, il y a des milliers de façons de le faire. Vous utiliseriez à différents cours d'herméneutique, il y aurait d'autres façons de le faire. Mais moi, je vous donne une façon, là, je tiens compte que vous allez utiliser les outils que vous avez, qui sont déjà faits. Dans mon cours d'herméneutique, je n'avais pas d'outils. Il fallait que je fabrique mes outils. Dans un cours de Sembec, quand tu fais ton bac à l'université, ils disent tu vas faire tes outils. Donc, je devais apprendre le grec et non pas aller voir ce que le gars, comment il avait traduit dans le grec. Je devais apprendre l'hébreu. Je ne devais pas avoir ce que le gars dit dans l'hébreu. Je devais, moi. C'est qui ce genre-là? Je ne pouvais pas cliquer sur Emmaüs. Il fallait que je trouve c'était qui ce genre-là par moi-même avec ma Bible. Fait que là, c'était bien plus long encore. Mais le pasteur ou le gars qui va devenir un professionnel de l'enseignement, il faut qu'il fasse ça. Il ne peut pas se fier à tout et chacun qu'est-ce qu'ils disent. Il va aller vérifier avec tout et chacun sa recherche. Ce que j'ai découvert, je vais aller vérifier avec Réjeanne, qu'est-ce qu'elle a dit, Patrick, qu'est-ce qu'elle dit, MacArthur. Mais moi, j'ai fait ma recherche avant. Okay? Je compare ce que j'ai trouvé avec ce que les autres ont trouvé. Mais je ne vais pas voir ce qu'ils ont trouvé et qu'ils me le disent. Mais vous autres, c'est ça que vous faites là. Qu'est-ce que MacArthur a trouvé? Là, je le prends. Qu'est-ce que Emmaüs a trouvé? Et je le prends. C'est mieux ça que pas le faire partout. Pas mal mieux ça. OK? Pas mal mieux ça. Et donc, John MacArthur nous disait, quand vous commencez à enseigner, fiez-vous aux plus vieux. Il dit, en vieillissant, vous allez pouvoir vous fier à vous autres-mêmes tout seul. Mais au commencement, protégez-vous, gars, parce que vous allez dire ça. Dieu a dit, puis c'est important. Hein? C'est sérieux quand tu te mets devant 100 personnes, tu dis, Dieu a dit. Il me semble, ça nous. Oups, fais attention. Okay? C'est pas moi, j'aime la couleur verte. Hein? OK? Fais attention. Choisissez-vous un texte que vous aimeriez étudier pour vous-même ou pour l'enseigner à l'assemblée que vous fréquentez. Ça va être votre devoir pour le mois prochain. Là. Fait que préparez-vous, on va faire prêcher ce mois prochain. Non, non. Mais vous allez avoir une petite recherche à faire ce mois-ci. Vous allez me remettre des feuilles la prochaine fois. Là. Nous vous conseillons de choisir un texte simple et connu dans un livre assez court, Colossiens, Philippiens, etc. Nous vous invitons aussi à prendre un texte de plusieurs versets plutôt qu'un seul verset pour débuter. C'est plus dur d'étudier un verset que 10 versets. C'est dur. Premièrement, cela facilite le travail. Et deuxièmement, vous avez enlevé un espace là pour rien. Vous aurez moins de recherches à faire pour chaque mot. Maintenant que vous avez choisi votre texte, commençons. Là, vous allez avoir un texte que vous allez vous choisir pour le mois qui s'en vient. OK? Vouloir enseigner un texte de la Bible est beaucoup de travail. Il vous faut donc prévoir à l'avance la date d'échéance et vous y mettre de bonne heure. Si quelqu'un vient te voir et dit « Daniel, t'aimerais-tu prêcher la semaine prochaine? » Si tu es sage, tu devrais dire « Non ». OK? Tu devrais dire « Non ». Quand je suis arrivé à l'Annonciation, le pasteur avait cette habitude-là. « François, veux-tu prêcher demain? » Demain. Wow. Parce que lui, il avait cette cosse à la jambe. J'exagère, c'était le samedi. Je pouvais dire oui, parce que j'ai 20 ans de sermon en arrière de moi. J'en ai pris un, puis je l'ai réchauffé un peu, puis je suis allé le prêcher. J'ai dit, je vais te dépanner. Mais j'ai dit au pasteur, si tu veux que je prêche ici, 3 mois d'avance, s'il vous plaît, tu me dis ça. François, dans 3 mois, j'aimerais que tu prêches telle date. Je n'étais pas à me préparer plus vite, mais je voulais qu'il apprenne que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, tu donnes 3 mois pour que je puisse étudier mon texte comme il faut. Et surtout, quand tu parles d'un plus jeune chrétien, il faut que tu donnes encore plus de temps. Donc, prends ton temps, puis quand tu dis, je voudrais, si Daniel disait, moi, j'aimerais ça enseigner à l'Église, bien, dans 3 mois, est-ce que je pourrais avoir une date dans 3 mois? Je commence à me préparer. Dans 3 mois, je vais être prêt. Ben, c'est d'ouvrage. Vous n'avez pas besoin de 3 mois à 8 heures par jour. Mais vous allez être moins stressé que si on vous donne 3 mois, que si on vous donne 3 jours. OK? Donc, surtout, vous avez une personnalité comme moi, ça me prend du temps. Il y a des gens qui sont prêts en l'espace de 3 heures, mais ça paraît aussi quand ils enseignent. Ça paraît aussi quand ils enseignent. Première étape. Lire entièrement le livre de la Bible dans lequel vous avez choisi le texte que vous voulez étudier ou enseigner. Et ceci d'un seul trait. Si vous avez le temps et la possibilité, lisez-le dans toutes les Bibles que vous avez. Et dans 2 langues différentes, si vous le pouvez. Ceci va vous aider à mieux saisir le sens du texte et à voir les différentes traductions du texte. Là, pour ceux qui ont mon document de matin, vous avez des notes. C'est ceux qui ne l'ont pas, mais mettez-vous un espace. Et entre la première étape et la deuxième étape, marquez « Faire exercice avec eux ». L'Évangile de Jean. Faire un exercice avec l'Évangile de Jean. Exercice avec l'Évangile de Jean. Et là, le premier point sous ça, c'est lire la Bible dans la Bible Louis II, ou votre Bible de base. En parenthèse? Non, faire un sous-point. Là, tu vas avoir 4 sous-points à ça. OK? Tu peux te mettre des A, B, C, D, si tu veux. Et là, je ne sais pas quelle Bible... C'est quoi, la Bible Louis II. Non, c'est correct, Daniel. Je viens pas de me dire, va moins vite. Second, si c'est ta Bible à toi de lecture de base, OK? C'est-tu ta lecture de base? C'est ça. OK? Donc, là, à coup, vous avez marqué ça. Vous allez lire avec la Bible. Avec la Louis II, Jean. Tu lis Jean avec la Louis II. Si c'est ta Bible à toi, si c'est pas ça, tu peux marquer Bible sommaire, si tu lis dans la Bible sommaire. OK? OK. Et là, vous allez... tournez dans votre logiciel Online Bible Et vous allez vous mettre sur Jean 1:1. Jean chapitre 1, verset 1. Combien de Bibles vous avez en haut, vous autres? Hein? Deux. Martin? J'ai choisi de vous en montrer 15. Jeanne, tu en as combien de Bibles en haut, toi? Les petits onglets, là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bon, dépendamment comment vous l'avez ouvert. Il y en a, en français, il y en a, je pense que c'est 15 ou 16 disponibles en français. Puis moi, je n'ai mieux dans l'anglais, dessus la mienne. C'est juste en français. OK. Donc, si vous faites ça, ça veut dire que ma Bible de lecture normale, c'est, mettons, c'est... je ne suis pas en bonne place. Mais... Je suis dans Jean, OK. Pour faire ce qu'on vient de dire, ça veut dire que moi, si j'ai enseigné sur l'Évangile de Jean, dans 3 mois, ce que je ferais moi, je lirais l'Évangile de Jean une fois par jour sur 16 Bibles différentes. Je ferais ça. Si je fais ça. Si j'ai le temps de faire ça. Si vous n'avez pas le temps, vous dites, mais peut-être que je vais prêcher dans 6 mois au lieu de 3 mois. Ou dans 1 an, au lieu de si ça vous prend du temps. Mais... c'est pas obligatoire. C'est juste dire, ça va vous protéger de dire des conneries en avant. Ça nous protège parce que si les différents traducteurs ont traduit des mots différents, tu devrais le savoir. OK? Donc, je vais lire. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, prenez un petit livre quand vous commencez. Je vais prêcher sur 3 Jean, j'ai juste un chapitre. Ah! 16 traductions, un chapitre par matin. Vous venez aller? Je peux même faire 2 traductions par matin. Ou 3, tu sais, c'est juste 3 petits chapitres. Prenez pas la livre d'Isaïe avec 66 chapitres en partant. Vous allez en avoir. Ça va être 2. Pourquoi tu nous as fait marquer l'Évangile de Jean? Ben, c'est parce que c'est dans le texte. Mais toi, tu choisis. Parce que en haut, il y a marqué choisissez la Bible que vous voulez. Ça, c'est un exemple. J'ai marqué. C'est marqué exemple. Okay? Toi, tu n'as pas besoin de prendre ce livre-là là, pour faire ton examen. On a écrit faire exercice avec. Non, OK. Moi, j'ai marqué exemple avant. Exemple, exercice avec l'Évangile de Jean. OK? Excusez-moi. C'est parce que moi, j'avais marqué ça sur mes notes. Et là, vous prenez un livre aussi... pas trop long, si c'est plus facile pour vous autres, à ce moment-là. Si vous prenez Philippiens, qui a 3 chapitres, vous pouvez lire 3 chapitres, ça se lit bien le matin, et le même matin, ben, je vais le lire dans Sommaire, l'autre matin, je vais le lire dans la Bible en français courant, tout en étudiant ton texte, si tu veux, mais tu as choisi ton texte. Mais toi, tu dis, je veux prêcher Jean 3:16, ben, je vais lire Jean, puis je vais, à un moment donné, je vais savoir Jean par cœur, ou presque. Pas mot à mot, mais je vais savoir Jean par cœur. Une bonne idée de Jean. Et j'ai fait une étude dernièrement avec Don Carson sur Internet, puis il dit, au commencement, était la lumière. Et la lumière est venue dans le monde. Le mot lumière, là, un gars qui lit ça pour la première fois, il va dire, lumière, soleil, c'est lumière, c'est de la lumière, oui, OK. Mais quand tu lis l'Évangile de Jean 30 fois, ça veut dire, lumière, c'est qu'il parle de Jésus. Un peu plus loin, dans Jean 8, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, la lumière est venue chez les siens, il ne parle pas d'un soleil, d'une lumière quelconque, il parle de Jésus ici. Mais quelqu'un qui a lu Jean chapitre 1, verset 1 à 18, qui aurait prêché dessus sans lire ça 20 fois ou 30 fois, il aurait dit, ici, Dieu a créé le soleil, puis le soleil est venu se placer au-dessus de la terre. Voilà. Mais il n'a peut-être pas dit la vérité, là. Vous comprenez? Donc, quand vous allez lire Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde », le mot « monde », c'est qui, ça? Là, si vous faites une recherche du mot « monde » dans l'Évangile de Jean, c'est-à-dire « monde », de qui il parle, lui, quand il parle du monde? Il parle de quoi? C'est le mot « cosmos », là, mais ça veut dire quoi? Le mot « monde » n'est pas toujours pareil. OK? Pas toujours pareil. Donc, le mot « monde », le mot « cosmos » ne va pas toujours dire la même chose dans tous les livres de la Bible. Donc, mais Jean, lui, va te le dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par le mot « monde »? La parole s'est faite chair. C'est quoi, sur la parole? C'est qui, sur la parole? Le mot logos qui est là dans le grec veut dire quoi? C'est quoi la pensée du mot logos? Jean, l'utilises-tu ailleurs, ce mot-là? Ça va nous donner une idée. OK? Donc, ça, c'est la première chose à faire. Lire votre texte. Savez-vous, si vous prenez un petit livre comme Philippiens ou Colossiens, qui a trois chapitres, vous allez savoir tellement par cœur, vous allez pouvoir le méditer dans votre champ. Vous allez pouvoir le méditer au travail, quand vous n'avez rien à faire. Vous allez pouvoir le méditer en faisant votre marche, votre jogging, si vous en faites. Parce que vous allez le savoir par cœur. Vous allez pouvoir le méditer. Vous allez pouvoir le penser, le réfléchir. Puis même, ça va être tellement faire partie de vous, vous allez, sans vous en rendre compte, vous allez y penser. Ça va être là, vous allez y penser. C'est vrai. C'est comme une espèce de digestion. Ça se fait. Puis si mettons, vous regardez un film le soir, ou vous lisez un livre, ça se pourrait même vous en rêver. Mm-hmm. Ce livre-là. Vous avez peut-être rêvé de ne pas être Colossiens. Parce que ça vous fait tellement partie de vous pendant cette période de temps-là. Si vous êtes, moi, j'ai lu l'Épître aux Romains dans un cours que je devais faire tous les jours, pendant 3 mois. 90 fois, j'ai lu l'Épître aux Romains. Pensez-vous que je ne le savais pas? Hein? J'aurais été niaiseux de ne pas le savoir. Fait quand j'ai commencé mon cours d'Épître aux Romains avec M. Keefe, je savais le livre quasiment par cœur. Fait qu'il ne pouvait pas dire n'importe quoi. Je me protégeais en même temps. Voyez-vous, c'est juste ça là, que ça fait l'affaire. Là. Puis ça, écoute d'avoir fait ça une fois, là, hein, c'est vous une chose que ça va faire? Ça va rester avec vous autres quasiment toute votre vie. Le livre de Romains va rester avec vous autres toute votre vie. Moi, je me souviens encore des livres que je pourrais vous réciter quasiment par cœur que j'ai appris faisant mon jogging à Victoriaville il y a 25 ans. Des fois, je m'assis, là, puis je suis dans mon char, je dis, hey, je m'en souviens-tu encore? Puis là, je le lance. Non, je fais tout l'évangile de Jean. Je fais tout, pas mes mots. Mais Jean 1, il parle de ça, Jean 2, il parle de ça, Jean 3, c'est Nicodème, Jean 4, c'est la femme samaritaine, Jean 5, c'est à la piscine de Bethsaïda, Jean 6, c'est le pain de vie, Jean 7, je sais encore, ça fait 5 ans que je l'ai appris. Mais je l'ai tellement rentré en moi, hein, ça restait là. C'est ça qui était intéressant, le vite, ça. C'est encourageant, parce que quelqu'un vous parle, vous dites, oh, dans le contexte, ça parle pas de ça, puis tu ne lis pas ta Bible, tu ne l'as pas devant toi, là, mais tu le sais parce que tu l'as appris. Non, ça ne parle pas de ça dans ce livre-là. Pour moi, ça a rapport avec quand il dit « Soyez toujours prêts à vous défendre de quiconque. » Ça fait partie de ça, ça fait partie de ça. Comme hier, j'écoutais Don Carson dans mon temps, puis il dit « L'Épître aux Hébreux, il y a un mot qui se relie à la foi. Jacques, c'est la foi sans les œuvres. » Il dit « Dans l'Épître aux Hébreux, la foi, elle se relie avec un autre mot. » Dans mon char, je dis « Persévérance. » Il dit persévérance. Il a étudié le même livre que moi. Il ne faut pas arriver à des différences. C'est la foi sans la persévérance, elle est morte dans l'Épître aux Hébreux. Mais tout le monde qui lit l'Épître aux Hébreux 50 fois, il finit par arriver à la même conclusion. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ça qui est important, que quand vous étudiez un livre, c'est pour ça que si vous enseignez régulièrement, si vous enseignez dans le même livre pendant 6 mois, vous avez bien moins de travail à faire. Si vous changez là, tous les dimanches de livre pour prêcher, c'est dur, parce que là, tu cherches des contacts à chaque fois. Il faut que tu fasses ton travail à chaque semaine. Mais si j'enseigne pendant un an sur l'Évangile de Jean, pendant un an, je n'ai pas besoin de lire l'introduction au livre à chaque fois. Je le sais, l'introduction. Je sais c'est qui Jean. Je le sais à qui qu'il écrivait. Mais si je vais, un matin je suis dans Jean, l'autre matin je suis dans Matthieu, l'autre matin je suis dans Apocalypse, mais c'est un enfer du travail à faire. Et tu n'as pas le temps de le faire, tout simplement, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et c'est pour ça que les gars qui enseignent 2-3 fois par semaine, en général, finissent par enseigner des livres. Bien moins de travail. Bien moins de travail. Puis c'est plus facile pour l'Église à suivre aussi. Parce que tu fais un suivi, là, okay, dans ce sens-là. OK? Donc, ça, c'était la première chose, quand vous voulez étudier le contexte. Ensuite, je vous encouragerais à lire, vous marquez en dessous de votre note, Bible français courant au sommaire. Ça, c'est votre Bible, mettons. Mettons, vous ne lisez pas toutes les 16, mais vous avez lu la Louis II. Louis II, c'était quelle année? 1910. OK? Mais lisez une traduction, si vous ne lisez pas les 16, lisez une traduction nouvelle, la sommaire, mettons, ou la Bible en français courant. Moi, j'ai marqué Bible français courant ou sommaire, nouvelle version. Donc, vous avez lu une 1910, tu lis une 1980. Ça va te donner un petit peu une différence de qu'est-ce que les traducteurs aujourd'hui, comment ils voient les choses. Parce que le français a changé depuis 100 ans. OK? Et là, si tu lis, là, le troisième point, lire le même texte dans une vieille Bible. dans une vieille Bible. Moi, j'ai marqué la Darby. La Darby a été traduite au 17e, 18e siècle, je pense, à quelque part là. Tu peux lire la Osterval. Tu peux lire la King James, qui a été traduite au 16e siècle, si tu lis l'anglais. Tu peux aller lire des vieilles Bibles. OK? Si tu n'as pas la Bible, si tu voudrais, si tu n'as pas la Bible sur ton online Bible, et tu voudrais la lire dedans, comme moi, une seconde, je n'avais pas la sommeur, parce qu'elle n'était pas disponible pour online Bible. Donc, je prenais mon site web, je l'ai sur un site web, ça c'est votre quatrième point, lire la Bible à partir d'un site web. Mettons, tu dis, mais une Bible comme, je ne sais pas moi, Saki, je pense, il y en a une qui s'appelle Saki, c'est une vieille Bible traduite au 16e siècle en français. Mais je pourrais taper dessus, Bible Saki, sur l'Internet, puis trouver la Bible Saki et la lire là. OK? Ça, c'était ton quatrième point. Moi, c'est mon quatrième point. Lire à partir de la Bible, une Bible à partir du web. OK. Mettons, vous n'avez pas la traduction, mais tu voudrais la lire. Mettons, vous n'avez pas la crampon sur votre dictionnaire, c'est une Bible catholique. Vous n'avez pas la Bible Tob, ou vous n'avez pas la Bible NIV, la nouvelle Bible anglaise, vous ne l'avez pas, vous pouvez la trouver sur le web, puis la lire sur le web, même si vous ne l'avez pas sur Online Bible. Moi, la NIV n'est pas disponible pour Online Bible. OK? Faut que tu la payes. Mais je peux aller la lire sur le web gratos. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez, je ne suis pas obligé de les avoir sur Online Bible. Je dis, ben, je n'ai pas la Bible sommaire, j'aimerais la lire. Ben, je peux me marquer Bible sommaire sur ma recherche de Google, puis ils vont m'emmener à la Bible online. Puis il y a des versets, il y a des textes, il y a des sites web, je veux dire, qui ont toutes les Bibles en français que vous voulez avoir. Ben, tu peux choisir là laquelle celle que tu veux lire et tu vas l'avoir là, tu vas la lire. Mais tu ne peux pas la télécharger. Puis même si tu peux la télécharger, elle ne fitera pas avec la elle n'est pas faite pour Bible Online. Il faut t'attendre que Bible Online la sorte pour pouvoir la mettre sur Bible Online. Donc, mais je veux juste vous dire que vous pouvez aller lire dans des langues différentes, le français ou l'anglais, des Bibles que vous n'avez pas sur Online Bible. C'est un autre outil qu'on peut utiliser. Mais le premier point, si vous voulez étudier un texte dans son contexte, vous devez connaître le contexte. Le contexte, c'est son livre. C'est son livre. Donc, le danger qu'on fait, le danger qu'on a, qu'on traîne avec nous autres, c'est que quand je lis un verset, je traîne dans le verset ce que je sais déjà. OK? On ne peut pas faire autrement, à moins qu'on s'habitue à s'arrêter et dire, je sais que ça, je pense que ça peut vouloir dire ça, mais oh, je vais faire ma recherche, voir si ça veut vraiment dire ça. Comme, car Dieu a tant aimé. Le mot amour pour nous autres, en 2009, ça veut dire quoi dans notre société? J'aime ma femme. J'aime ma blonde. J'aime mon chien. J'aime ma maison. Ça veut dire quoi? J'aime. Puis si on ne fait pas attention, on pense que c'est ça que Dieu veut dire quand il dit que Dieu aime le monde. Parce qu'on n'a pas d'autres définitions. Dans notre tête, on lit avec les définitions qu'on a là, la connaissance qu'on a là. Mais ça ne veut pas dire ça peut-être pour Dieu quand lui dit qu'il aime le monde. C'est pour ça qu'il y a tant de monde dans votre société qui vont vous dire, si Dieu aimerait le monde, il ne ferait pas ça. Si Dieu nous aimerait, il enlèverait ça. Si Dieu nous aimait, il n'aurait pas permis ça. Parce que leur définition de l'amour, c'est tu ne me tapes pas, tu ne me bats pas, tu ne me disputes pas, tu ne m'astines pas, tu ne me juges pas, tu ne me condamnes pas. Dieu fait tout ça. Fait que Dieu ne m'aime pas. Tu vois-tu? Donc, parce que la définition de l'amour n'est pas ce que je pense. J'ai une mauvaise compréhension du mot amour. Donc, automatiquement, je pense que Dieu m'aime. Là, je dis oui, Dieu m'aime. La Bible dit Dieu m'aime, Dieu aime François. Oui, oui, bon. Mais pourquoi il me fait ça? Si ma femme me ferait ça, je dirais, tu ne m'aimes pas! Mais Dieu, il dit qu'il m'aime, puis il me le fait. Fait que je ne comprends plus. Fait que vous devez prendre attention. Rappelez-vous toujours, je lis un vieux livre, 2000 ans, ça a été écrit, dans une autre langue. Ça veut dire quoi pour eux autres? Donc c'est ça, il faut faire attention. Okay? Donc, mais quand je lis tout l'évangile de Jean, ou tout le livre que j'ai choisi, ah! Là, je vais pouvoir cliquer sur mon petit numéro Strong, qu'est-ce qu'il veut dire par ce petit mot-là, dans mon petit dictionnaire biblique. Oui, OK, ça veut dire ça. OK, je vais vérifier, parce qu'il y a des mots dans le dictionnaire. Si vous seriez des professionnels du grec, vous pourriez aller choisir d'autres logiciels que vous pourriez acheter, puis là, aller voir dans toute l'histoire de l'Église, comment le mot était traduit. Juste un mot, tu pourrais passer une journée à étudier ce mot-là. Fait que c'est long, étudier. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Moi non plus, on n'est pas assez professionnel. On ne viendrait plus mélanger d'autres choses. OK? Mais c'est pour vous dire que ceux qui ont traduit la Bible, là, ceux qui ont traduit la Bible en français courant, c'est 12 hommes, 12 docteurs, 12 linguistes qui connaissent le grec comme le français, on le connaît nous, se sont mis ensemble pour la traduire. Imaginez-vous autres, nous autres, qui ont de la misère à parler français. Il faut faire attention, Dieu, c'est pas vrai ce qu'ils disent, là, ils ont mal traduit. Faut faire attention. Mais quand tu prends 12 Bibles sur différentes périodes de l'histoire, c'est tous des professionnels qui ont traduit. Là, OK, là, je peux comparer ces gars-là entre eux autres, parce que c'est tous des professionnels. Pas avec moi, moi, je ne connais pas ça. Mais là, une fois, il est arrivé quelqu'un chez nous à la porte. Il dit, grec, dis ça. Je le regarde, je dis, récite-moi non ton alphabet en grec. Ça va pas du tout. Parle-moi pas du grec. C'est même pas. Lis ton alphabet en grec. Parle-moi pas du grec. Tu ne connais pas le grec, pas plus que moi. Fait qu'arrête de me parler du grec. Parce qu'il avait entendu dire que le grec disait ça, mais lui, ça ne va pas, là. C'est affié à quelqu'un d'autre, tout simplement. Hein. Il faut faire attention. M. Carson disait cette semaine, le grec, gardez-les pour vous autres, dites-le pas à l'Église. L'Église, elle ne sait pas. Okay? Elle ne s'intéresse pas à ça. Okay? Donc, ça, c'était la première étape. Et c'est une étape qu'on a tendance à vouloir sauter. On a tendance à vouloir lire, étudier notre texte tout de suite. On a tendance à vouloir la sauter, celle-là. Deuxième étape. Lire deux ou trois livres d'introduction sur le livre que vous avez choisi pour connaître l'auteur, son message, la raison de son écrit, la date, etc., etc. Ça a-tu d'importance, la date? Probablement. Oui. Si c'est, j'étudie un psaume qui est 1500 ans avant Jésus, puis que j'étudie l'Apocalypse, qui est 100 ans après Jésus, il y a quasiment 2000 ans d'histoire de différents, c'est important que je sache où est-ce que ça se situe. Parce que les mots ne voulaient pas dire la même chose. Puis l'auteur, quand David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint », je ne peux pas dire ça avec l'Évangile de Jean. Je dis, ah, David l'a dit. Donc, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il va dire, tu as bien beau le prier, tu ne le retireras jamais, que tu le pries, que tu ne le repries pas. Parce que dans le Nouveau Testament, je te le donne éternellement. Tu peux, il ne te l'enlève pas. Mais on est dans deux histoires différentes, deux alliances différentes. Comprends-tu? Donc, il n'a pas regardé la date, il n'a pas regardé le contexte, il n'a pas regardé l'alliance dans laquelle ça se trouvait, il n'a pas regardé ça. Donc, il s'est planté. Donc, vous autres, vous devez dire, pour le Nouveau Testament, c'est une période de 70 ans. Les premiers livres ont été écrits dans les années 30, 40, après Jésus, puis le dernier, 96-5, l'Apocalypse. 70 ans de période. Mais c'est important. L'Apocalypse, le jour quelqu'un me parlait, je regarde, je dis, hey, youhou, Pierre n'avait pas l'Apocalypse quand il est mort. Enfin, dis-moi pas, Pierre a dit ça. Pierre n'avait pas l'Apocalypse. Pierre n'a jamais lu l'Apocalypse. Enfin, fais pas dire à Pierre ce que Jean a dit. Jean l'a dit 60 ans plus tard. Ou 40 ans plus tard. Mais Pierre, il ne savait pas ça. Il ne pouvait pas te le dire. Tenez-vous? Donc, le fait que je sais que l'Apocalypse a été écrit 30 ans après Pierre, je peux dire, Pierre n'a pas dit ça. Pierre, il ne savait pas. Il n'avait pas lu l'Évangile de l'Apocalypse de Jean. Juste parce que je sais la date, à peu près, de ce que c'était écrit. Même si ce n'est pas biblique, dans le sens que je ne peux pas garantir que c'était en 96, en mois d'avril, tu sais, là. Mais je sais que c'est à la fin. Jean était vieux. Quand il écrit, t'as su de Patmos, il t'a rendu à la fin de sa vie, c'était les années 90 à 100 après Jésus. Je sais que le temple n'existe plus quand je lis l'Apocalypse. Le temple a été détruit en 70 après Jésus. Ah, ça me donne une petite idée. Ça m'aide à comprendre, de savoir que le temple n'est plus là. Mais quand je lis les Actes des Apôtres, le temple est bien là. Paul, il va faire brûler ses cheveux dans le temple. Ah, ça, juste le fait de savoir la date, ça va m'aider. Mais ça, vous allez marquer autour de votre... comme sous-point. Oui. Faire exercice avec l'Évangile de Jean, encore une fois. OK? OK, faire exercice. Hein? Oh, okay. Non, en bas de la deuxième. Ah, mais tu peux le copier, faire copier-coller avec la première que tu as marquée. C'est avec ton livre que tu as choisi. C'est juste un exemple, ça. C'est marqué. Je fais juste un exemple avec vous autres en matin. OK. Oui, mais. Puis d'un coup, tu l'as marqué ça. Faire quoi? Faire exercice ou faire exemple avec l'Évangile de Jean. OK? Premier sous-point, à partir des dictionnaires. Là, tu vas chercher dans les dictionnaires des introductions. Et là, pour faire ça, vous allez tourner dans votre Online Bible. Les dictionnaires. Vous êtes encore dans Jean 1.1, n'est-ce pas? Et vous allez choisir le dictionnaire Emmaüs. Et vous allez cliquer à droite sur le premier verset, sur votre souris à droite. Là, il y a une fenêtre qui se rouvre, une fenêtre flottante, n'est-ce pas? Et si vous mettez sur le premier, ouvrir une note. Et là, vous avez un paquet de petits crochets, là. Hein? Ceux qui ont des crochets, c'est quoi? C'est ceux qui ont des notes pour ça. C'est ça. Ils ont des notes pour le verset Jean 1.1. Vous êtes en même place que moi? C'est parce que tu n'as pas téléchargé beaucoup de commentaires. Ah, ça doit être ça. Thème. Il n'y a plus dans Jean 1. Non, mais tu n'es pas dans Jean 1. Tu es dans Philémon. Tu vas être dans Jean 1. Tu les as pris, tes commentaires? Sur un, deux, trois, Bible. Ah, OK. Tu étais dans 1 Jean 25. Mettons verset 1. Clique à droite sur ta souris. N'importe quel endroit sur le texte. Et là, quand vous cherchez les introductions, vous pouvez choisir, en français ou en anglais, ça dépend de ce que vous avez, vous pouvez choisir un... Peut-être que vous prenez annoter Nouveau Testament. Avez-vous tout ça? Non. Qu'est-ce que vous avez dans vos commentaires en français? Trésor de connaissances. Non, ça, c'est pas un commentaire, c'est juste des versets. Des, ouais, hein? C'est pas ça. L'autre, c'est thème... Tu l'as pas non plus. T'as aucun commentaire, toi? Bon, je pense que j'avais recommencé, mais à un moment donné, j'essaie de réduire l'histoire de la okay. Là. Mais là, si vous avez des commentaires, vous pouvez choisir n'importe quel commentaire que vous avez là-dedans. Et eux autres, ils ont probablement fait une introduction à leur livre. Okay. Moi, si je clique, mettons, sur... en français, là, j'ai quoi en français? J'ai... Bon, moi, je vais marquer GILL, G-I-L-L. Dans G-I-L-L, vous avez introduction à Jean. L'auteur, lui, ce commentaire-là, a fait une introduction au livre. Fait qu'il va parler du contexte historique, du contexte géographique. Il va parler de qui l'a écrit, à qui il l'a écrit, quelle date il l'a écrit. Il va probablement vous donner peut-être le but du livre, pourquoi il l'a écrit. Il va tout vous dire ça, lui, dans son introduction, le gars. Parce que lui, il l'a fait, ce que moi, j'ai fait, tout seul, là. Il a lu le livre 50 fois, il a dit, c'est qui ce genre-là? C'était quoi le but? Il a essayé de découvrir par lui-même, c'était quoi le but? Il a tout sorti, la géographie, ça, c'est, il a écrit ça où? Parce qu'il va tout faire, son travail par lui-même. Le gars, lui, il l'a fait pour vous autres. Fait que vous le lisez. Ça, si vous avez choisi 16 commentaires, vous avez probablement 16 livres d'introduction à lire, si vous voulez les lire, les 16. OK? Mais, vous pouvez le faire d'une autre façon. C'était-tu mieux de lire ces livres-là avant de commencer à lire ton livre? Tu n'auras pas le temps de lire. Non, tu fais ça en même temps. Tu peux le faire en même temps. Tu dis, un matin, l'évangile de Jean dans la Louis II. Tu vas peut-être lire un livre d'introduction en même temps. Parce que si tu fais juste ça, tu vas t'écœurer, tu vas te tanner. Mais okay. Un livre d'introduction, c'est un livre, c'est comme ça. Non, non, mais là, c'est lui, c'est pas ça. Là. Tu vas avoir peut-être juste 5 pages dans son commentaire. C'est juste parce que lui, il ne fait pas ça long. Lui, il a écrit un commentaire de 100 pages. Il y a 5 pages au début sur son introduction. OK? Mais je vais vous montrer une autre manière. Vous avez le dictionnaire Emmaüs. Vous pouvez fermer votre fenêtre, là, si vous avez ouvert une fenêtre. Gardez votre Bible toujours ouverte dans Jean 1. Choisissez votre dictionnaire Emmaüs. Puis vous allez écrire en haut, Évangile. Dans le texte à rechercher. Oui. Puis vous êtes dans Emmaüs. Non, excusez. Vous allez écrire Jean à la place. Ça ne m'amène même pas ce que je veux. Écrivez Jean. Donc, dans votre fenêtre de dictionnaire index, là, vous voyez Jean, Évangile selon Saint Jean? Vous le voyez-vous? Jean, Évangile. Bon, cliquez dessus. Deux fois. Et ça, c'est une introduction. OK? Si vous lisez... Ouais, parce que le dictionnaire te donne une introduction sur l'Évangile de Jean. Tu aurais pu marquer juste Jean, puis aller voir... C'est qui ce personnage-là, Jean? Le dictionnaire biblique va vous avoir écrit une couple de pages sur Jean-Baptiste, Jean l'apôtre, Jean... Vous allez choisir lequel vous pensez que c'est. Vous dites, ah, c'est Jean l'apôtre. C'est qui ce Jean l'apôtre-là? C'était-tu un gars éduqué? C'était-tu un pêcheur? C'était-tu un grec? C'était-tu un juif? Il va vous le dire, là. OK? Mais si vous cliquez Jean, évangile selon saint Jean, lui, il a fait une introduction. Fait qu'il va vous parler de l'auteur. Vous marquez, c'est marqué un, là. L'auteur est un des apôtres. Donc, lui, il a fait la recherche. Puis, il va vous donner un paquet de références bibliques pour démontrer où est-ce que t'es, comment ça qu'il est arrivé à cette conclusion-là. Fait que vous pouvez aller vérifier, si vous voulez, les versets bibliques, si vous voulez. OK? Si vous cliquez sur les versets, en général, ils rouvrent. Peut-être pas tout le temps. Des fois, non. Des fois, oui. Dépendamment de quel dictionnaire vous êtes. Non, il ne le fait pas. OK? Tu fais juste cliquer dessus, puis devrait... Oui, mais ils sont en couleur quand ils sont bons. Sont en couleur quand ils sont, que vous pouvez cliquer dessus. OK, donc, ça, c'est une introduction. Ça, c'est une introduction. Et ça, vous devez faire ça pour connaître c'est qui l'auteur, c'est qui les récepteurs. Les récepteurs, c'était-tu des Juifs? Les récepteurs, c'était-tu des Grecs? C'est vous qu'il y a une différence? Une grosse différence? C'est qui le récepteur, les destinataires? Si Jean écrit à des Juifs, il va apprendre un langage qui... Si vous voulez l'Apocalypse cite 300 quelques fois l'Ancien Testament. C'est écrit l'Apocalypse à un gars qui ne connaît pas l'Ancien Testament, il se perd complètement. L'auteur sait que les gens qui reçoivent son livre connaissent l'Ancien Testament quasiment par cœur, donc ils n'ont pas misé à faire les liens. Mais dans l'Apocalypse, un gars sur la rue, là, il va dire, « Hein? Les temples, les lâches de l'Alliance, c'est quoi cette histoire-là des sacrificateurs, les couronnes, c'est quoi cette histoire-là? » Mais quelqu'un qui connaît l'Ancien Testament bien comme il faut, ah oui, bon, il parle du temple, il parle des sacrifices, oui, je connais ça, le sacrificateur, je sais c'est quoi, un arche d'alliance, je sais c'est quoi. Donc, lui, il connaît tout ça, ces affaires-là, non? C'est important de savoir à qui est écrit. Parce que vous allez voir les différences. Quand Paul écrit à des Juifs ou qu'il écrit à des non-Juifs, il n'emploie pas les mêmes mots. Quand il prêche l'Évangile à des Juifs puis à des non-Juifs, il n'emploie pas les mêmes mots. Quand vous autres, vous parlez aux inconvertis, vous dites, Jésus... m'a lavé par son sang, il pense que vous êtes un écœurant. Il m'a lavé par son sang, yerk! Parce qu'il ne comprend rien de ça, cette histoire-là. Fait que vous devez employer un langage contemporain que les gens connaissent. Hein? Ils connaissent ça. Si vous dites, on va être jeté dans l'abîme, c'est quoi ça, l'abîme? Je dis aux gens, l'enfer, aujourd'hui, ils ne savent pas c'est quoi l'enfer aujourd'hui. Ils n'ont aucune idée. Moi, j'ai 60 ans. Quand je parle à des gens de mon âge qui ont été élevés comme moi, je dis, le purgatoire, là, ils savent de quoi je parle. Les jeunes, aujourd'hui, tu dis purgatoire, hein, c'est quoi ça? C'est où ça? J'ai jamais entendu parler de ça, disons. Mais où? Donc, je dois, moi, m'adapter à ma société. Jean a fait la même chose. Rappelez-vous, Jean... J'ai parlé de ça, ça fait pas longtemps, avec un de mes beaux-frères, on était assis chez eux. Puis, oh, mais il dit, ça dit n'importe quoi, la Bible. J'ai dit, non. C'est parce que tu comprends pas qu'est-ce que ça dit. Si tu avais été dans ce temps-là, Jean a écrit une lettre à un de ses amis, il a écrit pour que son ami comprenne. Comme toi, quand tu m'écris un courriel, tu écris avec des mots que je comprends. Si tu parles en espagnol, je comprendrais rien. Mais si tu parles en français, du 21e siècle, je vais comprendre ce que tu me dis. Règle générale, 90%, je vais comprendre ce que tu dis. Les écrivains dans le journal, n'importe qui va prendre l'article du journal, on va comprendre ce que le journal est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans un langage qui sait que toute la population qui lit le journal va comprendre le texte. Puis les auteurs de la Bible ont fait la même chose. Mais nous, malheureusement, on est 2000 ans après. Fait que vous devez faire l'effort d'aller en arrière un petit peu. Si vous n'êtes pas capable de dire, je vais aller voir quelqu'un qui l'a fait, le jump en arrière, qui a reculé 2000 ans en arrière pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, le mot logos, pour les gens qui ont reçu l'évangile de Jean. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Et là, quelqu'un qui a fait la recherche, comme Carson, que j'écoutais cette semaine, j'ai tout lu sur le sujet. Je ne connais pas de livre que je n'ai pas lu sur le sujet. Je vais aller voir Carson et me dire, qu'est-ce que ça disait sur le mot logos dans ce temps-là? Il va me le dire. J'aime mieux me fier à lui qu'une fille à moi qui ne l'a pas lu par tout. Peut-être qu'il se trompe. Il y a moins de chances de se tromper que moi. Hein? Il y a moins de chances de se tromper que moi. Donc, ça, c'est une façon de lire l'Évangile de Jean. Là, vous pouvez faire ça, Évangile de Jean avec Emmaüs, mais vous pouvez le faire avec tous vos dictionnaires. Chaque dictionnaire a une petite introduction faite par quelqu'un différent. Ici, l'article qui est là, est peut-être signé par quelqu'un. Mais dans West Paul, ça pourrait être un autre théologien qui a fait l'introduction. Fait que si vous utilisez vos 3-4 dictionnaires en français, vous avez 4 introductions en partant. Ça va probablement assez pour les premières fois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, vous devez faire des introductions. Et encore, quand c'est possible, là, je vais marquer, vous avez marqué à partir du dictionnaire, vous pouvez marquer en dessous à partir de commentaires. Je viens de vous en parler parce qu'on est allé dans les notes, on n'a plus des commentaires de Calvin, commentaires. Puis quand vous avez le choix, prenez des nouveaux commentaires. Si vous n'avez pas l'intention de tous les lire, prenez un commentaire contemporain, prenez un commentaire un petit peu plus vieux ou très vieux comme Calvin. Ah, Calvin, c'est au 16e siècle, 17e siècle. Comment lui, il voyait l'Évangile de Jean? Si vous voulez lire les pères de l'Église, comme Saint Jérôme ou Saint Augustin, qui ont parlé de ces livres-là, ah, là, vous avez quelqu'un qui parle de l'Évangile de Jean juste 3 siècles après qu'il a été écrit. Ça va me donner un autre petit point de vue. Oui. Puis là, vous avez à partir des dictionnaires, à partir des nouveaux commentaires, des commentaires bibliques, à partir du web, vous pouvez marquer introduction à l'Évangile de Jean dans votre recherche Google, puis il va vous apparaître 1 million d'articles. Vous pouvez aller voir dessus qu'est-ce que les différents auteurs, à travers l'histoire, à travers différents pays, vont écrire. Ça peut être un Français, ça peut être quelqu'un qui est en français en Afrique, quelqu'un qui est en français ailleurs. L'autre jour, j'ai marqué ça, j'ai trouvé Saint-Augustin avait fait un commentaire. J'ai dit, on va lire ça. Ça prend du temps. Plus tu vas vouloir aller profond, plus ça va prendre du temps. Mais même que tu as lu 3, 4, 5, 6, 10 articles sur l'introduction de ton livre, tu vas t'en souvenir pour ta vie ou à peu près. Ça me donne aussi, à force des livres, des connaître et étudier, ça te donne une assurance. Ah oui? Tu parles avec beaucoup, beaucoup plus. Tu as bien moins peur d'évangéliser après toi. Exact. Parce que tu as une connaissance, les gens vont te parler, tu vas lui dire, non, attends un peu là. Non, c'est pas ça que ça dit là. Le jour, le gars me dit, c'est plein de paraboles. Je ne pas comprendre, c'est pas une parabole. J'ai dit, peux-tu me définir, c'est quoi une parabole? C'est une histoire qu'on ne comprend pas. J'ai dit, non. J'ai dit, si tu vas prendre ton dictionnaire en français, tu cherches le mot parabole, tu vas voir que c'est pas ça que c'est dit. Une parabole, c'est une histoire que tu comptes pour aider la personne à comprendre. C'est pas pour que tu ne comprennes pas. C'est pas mélanger. C'est pour t'aider à comprendre. Jésus, il dit, la foi, c'est ça. Puis là, il compte l'histoire pour que tu comprennes ce que c'est la foi. Parce que toi, tu as entendu la parabole en dehors de son contexte biblique, tu ne sais pas compréhensible. Ben oui, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas été lire quand est-ce que Jésus le dit. Puis pourquoi il le dit, Jésus? À qui il le dit? Ouais, c'est vrai, là, j'ai dit une connerie. Ouais, t'es une connerie. Mais ça m'a donné de l'assurance parce que j'avais déjà étudié ça. Mais si je n'avais jamais étudié, il aurait dit, ouais, c'est plein de paraboles, puis c'est pas compréhensible. J'aurais peut-être pas dit un mot, là. J'aurais peut-être, me serais peut-être tué, puis j'aurais pas... Puis continuer à évangéliser, j'aurais eu de la misère. Ou j'aurais perdu la face un petit peu, me serais senti gêné, pas comprendre. Là, j'aurais peut-être pris mon. Mais si. Puis là, j'ai gagné, moi, de la crédibilité auprès de cet inconverti-là. Il dit que là, il sait de quoi il parle. OK? Il sait de quoi il parle. Donc, n'ayez pas peur d'aller sur le web, mais quand vous allez sur le web, soyez prudent. Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être un catholique, un mormon, un baptiste, un pentecôtiste, un témoin de Jéhovah qui a écrit l'article, là. Fait que soyez prudent, parce que... Ah, il s'est marqué! Oui, il s'est marqué, mais faut que tu comprennes, là, le gars, il l'écrit, parce que lui, en tant que catholique, il va dire, la Sainte Vierge, il faut la prier. Mais ça va être écrit, c'est signé. Tu vas marquer l'abbé tel, ou un protestant, telle année. Habituellement, les articles que vous allez lire sont... Vous avez l'auteur. L'autre jour, j'écoutais je lisais un livre, quelqu'un m'a donné un livre, pour que je puisse le lire, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que j'en pensais. J'ai regardé l'auteur, le nom de l'auteur du livre, j'ai mis le livre de côté, je n'ai pas lu. Je t'ai lu sur Internet, j'ai mis le nom de l'auteur, j'ai cherché c'est qui cet auteur-là, et j'ai découvert que c'était un Anglican. Ah! Un Anglican, voilà. C'est un Anglican. Donc, il y a une façon de penser. Maintenant, je vais lire le livre, je sais de qui je vais faire, comment il parle, le gars, de quoi. Et qu'est-ce qu'il veut dire, lui, quand il dit Jésus? Peut-être pas la même chose que moi, pas en tout. Mais je suis allé faire une recherche, ça m'a pris 1 heure sur Internet. C'est qui ça, ce gars-là? Quelle étude qu'il a faite? D'où est-ce qu'il vient? Quand est-ce qu'il a vécu? Et là, j'ai lu le livre et j'étais pas mal moins niaiseux quand j'ai lu le livre. Et j'ai dit à la personne qui m'a posté le livre, sais-tu, c'est qui ce gars-là? Il dit non. Ben, j'ai dit, là, j'ai dit, il faut que tu ne lises pas ça de la même façon. Ça ne lisait pas de la même façon. OK? Donc, et là, j'ai comme une. C'est un défaut professionnel que j'ai parce que je n'aurais pas fait ça il y a 30 ans. Mais là, je l'ai fait parce que je suis habitué de faire ça maintenant. Quand tu me nommes un auteur, j'ai la tendance à aller voir c'est qui l'auteur, c'est qui ce Martin Pilon-là, de ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et donc, automatiquement, je vais comprendre un peu mieux quand il me parle. Un peu mieux. OK? Quand je lis quelqu'un, puis je dis, et les arbres sont différentes couleurs, puis je regarde, puis il vit à la salle, je dis, ah oui, lui, il peut dire ça, c'est un insecte d'année. Mais si le gars reste en Floride, j'ai de la misère à comprendre que les arbres sont différentes couleurs au mois de septembre. OK? Donc, c'est le fait que je sais qui, où est-ce qu'il vit, quand est-ce qu'il a vécu, c'est quoi sa foi à lui, où est-ce qu'il a été sauvé ce gars-là, ça va m'aider à comprendre qu'est-ce qu'il a écrit. C'est pas pour le critiquer ou le juger, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il dit, lui. Quand vous lisez un témoin de Jéhovah et qu'il dit « Jésus m'a sauvé », elle dit « Ben moi, tout, je dis ça, Jésus m'a sauvé oh, ». Mais on ne dit pas la même chose, pantoute. Pantoute. Pour lui, Jésus, c'est pas Dieu, c'est un ange, un super archange. Sauvé, il ne l'a pas sauvé, comme nous autres on veut dire. Donc, il a dit les mêmes mots, mais ça ne veut pas dire la même chose. Juste parce que je sais que c'est un témoin de Jéhovah qui l'a écrit, je sais qu'il ne veut pas dire la même chose que moi. Mais si Patrick dit ça, si Daniel dit ça, si Martin dit ça, je dis « Ah oui, on dit pas mal, la même chose ». Ou à peu près la même chose. En tout cas, j'espère. Si c'est trop différent, m'en ai enseigné ailleurs. Ou bien là, je vais vous donner un coup d'herméneutique. OK, troisième étape. Non. Situez votre texte dans le contexte entier du livre. Pour cela, utilisez les esquisses outline. En anglais, c'est outline. Esquisse ou structure. Ou plan de livre, c'est toute la même chose. Vous pouvez marquer, si vous voulez, au côté d'outline, entre parenthèses, structure du livre. Ou entre parenthèses, vous pouvez marquer plan du livre. C'est toujours des synonymes. Parce que des fois, vous allez marquer outline, puis vous allez trouver des choses. Si vous cherchez structure du, mettons, structure du livre de l'Évangile de Jean, ça va vous amener à certaines places. Mais, du livre. Maintenant, vous allez tourner dans votre Bible et vous allez aller dans l'Évangile de Jean, encore une fois, et vous allez vous en aller à 3 Jean, 3:16, Jean 3:16. Allez-vous-en dans Jean 3:16. Vous connaissez tout le verset par cœur. Bon, regardez pas, regardez-moi ici. Dans quel contexte ça a été écrit? Qu'est-ce que vous savez du contexte? Qu'est-ce que vous savez? N'importe quoi. Hein? Voilà, Nicodème. Donc, il a... Oui, ça c'est un des détails encore plus, mais c'est dans le contexte, il s'adresse à Nicodème. Si vous lisez vos commentaires, vous allez voir qu'il y en a qui disent non, il ne parlait plus à Nicodème. Il y en a qui disent oui, il parlait encore à Nicodème. Donc, c'est pas grave, mais c'est dans le contexte de l'histoire de Nicodème. Même s'il ne parlait plus à Nicodème, l'auteur l'a mis à la suite, c'est parce qu'il veut y mettre un lien quelque part. Il a mis ça ensuite, quelque part. Mais le contexte plus large que Nicodème maintenant. En dehors, c'est quoi? Le contexte plus large? Ben, le Nouveau Testament. Non, on est toujours dans l'Évangile de Jean. Là, vous avez fait Jean 3, mais dans Jean 2, dans Jean 4. Ça, c'est le contexte plus large. Là. Non, c'est dans Jean 6, c'est rendu plus loin. Mais c'est dans le contexte plus large. Au début de Jean, c'est la lumière. C'est rendu plus loin. Jean 2, Jean 4, c'est plus proche. Là. Parce que, rappelez-vous ceci, on fait un cercle, un centrifuge. Verset, texte, chapitre, là, vous lisez, livre, Nouveau Testament, la Bible. Tu sais, vous élargissez toujours. Vous partez du centre, vous allez élargir votre cercle. Là, vous avez Jean 3:16. Bon, là, il a dit ça dans le contexte, il venait de parler avec Jean, avec Nicodème. Puis vous dites, bien, ça se tient avec Nicodème. Il y a des auteurs qui pensent ça, des interprètes, des enseignants. J'en suis un de ceux-là, puis plusieurs pensent ça aussi. Donc, il parle encore à Nicodème. Mais juste avant, Jean 2, Jésus est à Jérusalem, il a chassé les vendeurs du temple, et juste à la fin, il dit... Et plusieurs crurent en son nom, mais Jésus ne se fiait pas à eux. Et là, il compte l'histoire de Nicodème. Nicodème est un de ceux-là. Jésus ne se fiait pas à tous ceux qui disent qu'ils croient à lui. On croit que tu es un prophète venu de Dieu à cause des miracles que tu fais. J'ai dit, non, je ne fais pas confiance à ce gars-là, moi. Puis là, il l'amène à dire, t'es-tu né de nouveau? Ah non, je ne sais pas ça veut dire quoi. Ah, t'es l'enseignant de Zélette, je ne sais pas ça. Là, il fait comprendre que des gars qui couraient après Jésus, puis qui voyaient les miracles, puis disaient, ah, wow, c'est un homme de Dieu. Jésus dit, mais fais pas, c'est pas la foi que je veux, ça. C'est pas ça que je veux. Je ne trace pas ce genre de foi-là. Ils vont me crucifier, d'ailleurs. Dans 3 ans, ils vont dire, crucifie-là, cette gang-là. Nicodème ne fera pas ça, parce que lui, il va changer en s'en allant. Mais quand il a rencontré Jésus, c'était un de ceux, il a dit, beaucoup ont cru à cause des miracles, mais Jésus ne se fiait point à eux. Exemple, Nicodème. Voyez-vous, je suis mon contexte, je suis l'histoire. Je ne m'en vais pas n'importe où, je ne prends pas ça n'importe où. Un gars qui disait, croyant en Jésus, ah ouais, c'est un prophète de Dieu, Jésus ne se fie pas à ce genre de foi-là. Puis il dit, pourquoi? Tu ne connais pas ci, tu ne connais pas ça, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça, tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. Ça, c'est mon contexte plus large. Voyez-vous, j'ai pris mon Jean 3,16, je l'ai mis dans Nicodème, j'ai élargi un petit peu. Puis là, si j'allais un petit peu plus loin que Jean 2, Jean 1, 2, 3, 4, vous verriez que c'est le ministère de Jésus à Jérusalem. Tout ce qui se passe là, Jésus est à Jérusalem. Après ça, il va partir, il va s'en aller en Galilée. C'est une autre partie du livre, ça. Donc, vous allez voir que Jean 3,16, il est dans Nicodème. Nicodème est parmi les ceux que Jésus ne se fiait pas à eux autres. Puis là, il est à Jérusalem quand ça se passe. OK? Parce que les gens de Jérusalem sont beaucoup plus critiques et intellectuels que les gens de la Galilée. La Galilée, c'est des ouvriers, des main-d'œuvre. Jérusalem, des intellectuels. On pourrait dire un peu comme Amos, ici. Amos, ici, c'est un petit peu plus intellectuel. C'est ça que vous allez voir, là, l'archevêché est là, les commissions scolaires sont là. Il y a beaucoup de choses. Là. C'est un globe terrestre. Amos, c'est marqué loin, pas marqué. Val-d'Or, pas marqué. Mais Amos est là. Ouais, c'est le globe terrestre. Parce que c'était le centre intellectuel de l'Abitibi. Dans le temps, oui. Dans le temps. OK? Mais si moi, j'étudierais Amos, l'Abitibi, il faudrait que je tienne de compte de ça. Que là, c'est des intellectuels. Dans le fond, au bord de la Sarthe, Brisebois, qu'est-ce que je veux dire, Villebois, je dirais, oh, c'est pas tout à fait la même chose. Là. Si j'écrirais un papier pour ces gens-là, je n'écrirais pas de la même manière que si j'envoyais mon papier à Amos. Okay? Ici, c'est à Jérusalem. C'est tous les intellectuels. C'est la crème de la crème. C'est le leadership spirituel qui est là. C'est le temple qui est là. C'est eux autres qui vont tuer Jésus finalement. C'est pas les gens de Galilée en l'air, c'est les gens de Jérusalem. Donc, il faut se souvenir de ça. OK? Donc, voyez-vous que je suis en train de faire? Je tiens compte de mon dictionnaire biblique. Qu'est-ce que je suis rendu là? Chapitre 3. Puis dans vos dictionnaires bibliques, si vous n'êtes pas capable de voir ce que moi je viens de faire automatiquement là par cœur parce que je l'ai appris, dans vos dictionnaires bibliques, vous allez des fois trouver des structures, des commentaires aussi. OK? Si vous allez d'ailleurs dans l'Évangile de Jean, si vous cliquez Emmaüs, Jean, Évangile selon Saint-Jean, qu'on avait tout à l'heure, si que vous cliquez dedans, et vous allez ouvrir votre fenêtre de ça, si vous me suivez là? Si vous descendez dans votre dictionnaire biblique, je ne me souviens pas s'il est là, il va peut-être vous donner une structure du livre. On va aller voir. Ouais. Vous avez ça à partir, et lui vous donne une forme de structure. OK? Descendez bien loin, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez voir jusqu'à 11, 12, là. OK? Là, il va parler de l'éternité du Christ, le Logos, sa toute-puissance. Là, il va vous parler de ses miracles. Lui, il l'a divisé d'une certaine façon, l'Évangile de Jean. Mais si vous lisez différents commentaires, ils ont tous fait ça à peu près au début. Avant de commencer à vous dire qu'est-ce que Jean 1 dit, ils vont vous avoir donné une structure pour le livre. Des fois, ils vont le diviser de façon géographique. Le ministère de Jésus à Jérusalem, le ministère de Jésus à Galilée, le ministère de Jésus à Jérusalem une deuxième fois, parce qu'il revient à Jérusalem. Des fois, ils vont le diviser par... Matthieu divise son livre par thème. Matthieu va tout regrouper les miracles dans chapitre 8 et 9. Marc Il les met partout. Lui, il a pas écrit avec, avec des thèmes. Il a écrit avec une chronologie du temps, Marc. Je dois savoir ça, moi. Parce que l'auteur veut qu'on comprenne autre chose là, s'il met tous les miracles ensemble. Donc, vous autres, en lisant les outlines ou les structures ou les plans du livre, vous allez voir comment l'auteur donne son histoire. Si vous lisiez mon outline de l'Évangile de Jean, le but du livre que j'ai marqué dans mon introduction, c'est Jean 20. Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en son nom, j'ai eu la vie éternelle. Le but pour moi de l'Évangile de Jean, c'est de nous prouver que l'homme en chair et en os, que tout le monde connaissait, c'était le Fils de Dieu, c'était Dieu fait chair. Donc, vous allez voir que Jean 1:1, pour prouver ça, Jésus est le Logos. Jean 2, Jésus, c'est le temple de Dieu qui va ressusciter. Jean 3, Jésus, c'est celui qui descend du ciel. Jean 4, Jean 5, je vais tout vous donner des preuves. À tous les chapitres, j'ai donné des preuves, comme de quoi ce gars-là, qui était là, en chair et en os, avec vous autres, c'était Dieu fait chair. Hey, c'est toute une preuve à donner. Si j'arrive dans Jean 18, ça va marquer, Jésus, avant de venir sur la terre, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis roi, mais mon royaume est de l'autre bord. » Hein? Puis l'autre le regarde, « Quoi? Oui, je suis roi, mais dans l'autre monde, dans le ciel. » Avant de venir sur la terre, j'étais dans le ciel, j'étais roi, là. Oups! Il est malade, le gars! Mais Jésus est en train de dire quoi, là? Dans l'Ancien Testament, il y avait juste un roi dans le ciel, c'était Dieu. C'est moi, bébé, je suis fait chair. Voyez-vous? Il donne des preuves, là. Tout au long, j'ai prêché pendant 21 chapitres, tout au long, j'ai juste fait ça, donner des preuves que Jésus était Dieu. J'ai fait des preuves que Jésus était Dieu. J'ai fait des preuves que Jésus était Dieu. Puis c'est pas facile à prouver à des Juifs qui ne croyaient pas à la Trinité. Les Juifs ne croyaient pas à la Trinité. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus, finalement. Mais Jean, lui, un Juif qui ne croyait pas à la Trinité, va dire dans son évangile comment il est venu à être convaincu que Jésus, avec lequel il a couché et a mangé, était vraiment Dieu fait chair. C'était tout pour lui un exploit spirituel de la grâce de Dieu qui l'a amené à comprendre ça et à croire ça, puis à l'expliquer aux autres après. OK? Donc, essayez de voir ça, puis quand vous allez avoir votre structure, vous allez peut-être en avoir 4-5, là, vous autres, vous allez lire votre Bible, votre livre, vous l'avez lu 30 fois, vous avez une bonne idée du sans l'avoir mis par écrit, vous avez une idée de comment ça marche. Là, vous allez choisir quelle structure qui, selon vous, reflète le mieux vos lectures que vous avez faites pendant 30 jours. Vous allez dire, ah ouais, je pense que lui, là, c'est ce que je pense aussi. Avec ma lecture, c'est ce que je pense. C'est cette structure-là qui est la meilleure. Et dans cette structure-là, vous allez situer votre texte dans la structure. Vous avez choisi Jean 3:16 pour prêcher, mais vous allez dire, ah oui, alors la structure, c'est ça ici. Là. Et puis là, ça va vous donner ce qu'on appelle en anglais la ligne conductrice du livre. La pensée générale de l'auteur. Parce que l'auteur a une idée bien précise. Il s'en va avec une idée, lui. Il veut te prouver que Jésus est Dieu. Donc, il s'en va avec une histoire. Qu'est-ce que dans Jean 3, Nicodème, jusqu'à la fin du chapitre, qu'est-ce que Jean fait ressortir là pour me montrer? Pas comment faire pour être sauvé, mais qu'est-ce qu'il dit dans ce chapitre-là au sujet de Jésus qui va me prouver que Jésus est Dieu? Moi, je ne crois pas que Jean fait ressortir la rencontre avec Nicodème pour qu'on sache comment faire pour être né de nouveau. Ce n'était pas son but. Oui, on peut l'apprendre en étudiant ça, mais ce n'était pas son but. Le but, c'était de faire dire à Jésus, juste le petit bout là, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, moi. Et je vais mourir sur la croix pour me sauver. » Mais le but, c'est que Jésus a dit une parole que Jean, lui, il était là, puis il écoutait, il était là en chair et en os. Et le gars que je suis, il est en train de dire qu'il descend du ciel. Il est-tu fou? C'est quoi l'affaire? Dis ça, tout ça à lui, puis on t'emmène à quelque part. Mais c'est vous, c'est ça qui l'a frappé. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, je vais enseigner, là. Il faut que je bâtisse à l'entour de ça, là. Il ne faut pas que j'enseigne juste Jean 3:16 pour que... Isabelle se convertisse. Oui, je veux ça peut-être en te parlant, mais je dois tenir. Qui a dit ça, Isabelle? C'est le gars qui est descendu du ciel, c'est pas François Nolet. C'est pas l'Église baptiste qui dit ça. C'est un gars qui était dans le ciel, qui est descendu sur la terre, qui s'appelle Jésus, qui a dit que pour être sauvé, il faut la faire ça, qui a dit qu'il faut la naître de nouveau. Ça, ça a de la force. Okay? Là, tu restes dans ton contexte. Tu gardes l'idée de Jean. Un gars qui est descendu du ciel nous dire comment faire pour être né de nouveau, afin qu'on puisse aller au ciel, nous autres aussi. Là, en prêchant comme ça, en évangélisant comme ça, tu glorifies Jésus, qui était Dieu fait de chair. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le salut de la personne qui est le plus important. C'est de glorifier Jésus, qui va peut-être produire le salut de quelqu'un. C'est bien différent comme approche, comme évangélisation. Je vais glorifier Jésus aux yeux d'Isabelle, et peut-être ça, ça va l'amener Isabelle à se convertir. Et quand elle va se convertir, elle va glorifier Jésus aussi. OK? Donc, voyez-vous que je peux prêcher Jean 3,16 sans jamais parler que Jésus est descendu du ciel, et nanana. Mais si je fais ça, il faut que je tienne compte que mon auditoire sait déjà que Jésus, c'est le Fils de Dieu, que Dieu fait de chair, il est descendu du ciel. Lui, ben, j'ai pas besoin de le répéter, ils le savent déjà. J'ai pas besoin de dire ça dimanche matin ici, parce que tout le monde le sait. Ben, je pourrais prêcher sans parler de tout ça. Mais je dois l'avoir étudié avant pour savoir que c'est ça. Et quand vous allez prêcher Jean 3,16, en tenant compte, le gars qui le dit, c'est un gars qui vient du ciel, c'est Dieu fait de chair, ça va vous donner pas mal de punch pour parler. Ça va vous donner pas mal d'audace pour dire, pour déclarer au monde entier, « Hey, je ne parle pas à travers mon chapeau. Je sais que ce que je te dis, c'est la vérité. Puis je ne m'en prends des morts. » Pourquoi? Parce que le gars qui me l'a dit, il vient d'en haut. C'est le seul. Personne n'est descendu du ciel si ce n'est celui qui est mort. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc, il dit, il n'y a pas personne d'autre. Ton prêtre, es-tu monté au ciel? Ton prêtre descendu du ciel? Ton prophète descendu du ciel? Le mien, oui. Le mien, oui. Il vivait au ciel avant de descendre du ciel. Il sait comment faire pour y aller. Lui, il vient de là. Donc, ça nous donne pas mal de punch, hein? Pas mal de force. Et ça, vous allez découvrir en tenant compte de votre structure du livre. OK? Le gars va en parler dans sa structure. Fait que prenez votre structure, lisez-en 3, 4, 5, structure de plan de livre. Il y a des livres, j'ai marqué, je pense, là, peut-être qu'il y en a que je ne l'ai pas marqué. T'es en train de booker le mois? Ah, 3 mois. Il y a des livres qui se vendent, c'est juste ça. Ça s'appelle Survol des différents livres du Nouveau Testament, Surveys of the Books of the Bible, toutes sortes de noms qu'on connaît. Les autres, le livre est écrit, puis il fait juste ça, le livre. Introduction, structure. Passe à l'autre. Introduction, structure, Romain. Introduction, structure, 1 Corinthien. Ils font juste ça. Ils n'interprètent pas le texte. Ils vont juste donner. Tu me l'as, je t'en ai vendu quand je suis parti de site. Je dis. Oui. Bien. Il y en a, mais il y a des livres qui font juste ça. Ils n'ont pas de commentaires. Ils font juste les survols. Et tu me l'as, je l'ai vu hier, je me souviens de Surveys. Il y a des gars qui se sont spécialisés à faire ça. Oui, ouais, tu l'as. Hein? Ça, c'est dans tes commentaires. Tu vas en avoir dans tes dictionnaires. Et vous pouvez mettre, j'ai marqué là, à partir des commentaires, à partir des dictionnaires et à partir du site web aussi. L'autre jour, j'ai marqué structure de l'évangile de Jean. Là, il m'était apparu des sites web. Je suis allé voir. Et, il y en a qui n'avaient des bonnes. Oui, il y avait des bonnes. Il y en a qui n'étaient pas chrétiens puis il y avait des bonnes structures. Parce que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour voir la structure d'un livre. C'est du français, ça. Tu peux étudier la structure d'un livre sans être chrétien. Donc, et c'est important que vous vous habituiez à faire ça. Là, c'était ça, c'était les petites notes, tu vois, par rapport à la troisième. Oui, à partir des dictionnaires, vous chargez vos introductions à partir des dictionnaires, à partir des commentaires et à partir du web. Tu sais, vos outlines, là, vos structures, vos plans. Et faites-le. Puis, en les comparant, des fois, vous allez voir qu'il y a des livres, là, quasiment tout le monde a la même structure. Et vous êtes pas mal convaincu que c'est ça. Vous allez voir d'autres livres, il va y avoir différentes structures. Vous allez devoir prendre le choix d'en prendre une, de celle que vous pensez, vous, la meilleure, à ce moment-là. Et quand c'est le meilleur, là, vous dites, moi, je prends celle de John MacArthur, bien, OK, je prends celle-là, puis là, je vais mettre mon texte que je vais enseigner dans la structure, vous dire, bien, je vais essayer de suivre le flow, la ligne directrice de l'auteur. OK? C'est toujours par rapport... Moi, je suis en troisième, moi, encore. Troisième étape. Ouais, les notes, là, c'est partir des dictionnaires. À partir des commentaires. Et à partir du web, c'est la même chose que l'autre avait. Ça, c'est pour découvrir les structures. Les structures, les trois. C'est la même chose que comment faire les introductions tout à l'heure. OK? C'est dans les mêmes livres, dans le fond, que vous allez utiliser, vous autres. OK? Mais si vous êtes plus loin, vous allez plus loin, vous pouvez acheter des livres qui ont, font juste de ça, des structures de livres. Quand je suis arrivé ici à Val-d'Or, il y a... en 88, ça fait 21 ans, j'ai trouvé dans les reliques de l'Église un livre. Ça marquait « Sermon pour toute l'année ». Je regarde là-dessus. C'est un sermon pour chaque dimanche de l'année. Fait que le gars, c'est des feuilles pointillées, tu pouvais déchirer les feuilles, partir en avant et prêcher le livre. Les sermons de tout fait. Ça se vend des livres de même. Je connais des pasteurs au Québec qui prêchent quasiment littéralement des sermons de John MacArthur. Ils ne préparent pas. Ils prennent le sermon de John MacArthur, puis ils copient sur les feuilles, puis ils font, puis ils prêchent le sermon de John MacArthur. Ils personnalisent un peu, ils mettent de leur histoire. Mais c'est mieux de faire ça que de prêcher un sermon que tu n'as pas eu le temps de préparer. C'est bien mieux. Tu vas te planter moins. Mais tu devrais être assez humble pour dire que tu t'as fait ça. Je me suis inspiré ou je me suis instruit à partir d'un sermon de John MacArthur, puis tu te donnes. Tu serais mieux de le dire si tu l'as copié. Là. OK? Puis les gens ne t'en voudront pas pour ça. Surtout s'ils savent que tu étais occupé, ta femme a accouché cette semaine-là, je ne sais pas quoi, tu étais malade, puis tu n'as pas eu le temps à préparer. Tu dis, bien, je vais vous prêcher un sermon ce matin que je me suis inspiré d'un des sermons de John MacArthur. Tu le prêches. Tu n'as pas à avoir honte de ça pantoute. Pantoute. OK? Puis il y en a qui font ça à l'année. Ils n'ont pas la capacité d'être des étudiants, des chercheurs, fait qu'ils vont faire ça. Ils sont mieux. Puis l'Église est édifiée, l'Église a grandi, là. C'est correct. Hein, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Quatrième étape, maintenant. Ensuite, situez votre texte dans le contexte immédiat. Ce qui veut dire dans le chapitre, les chapitres d'environnement. On vient d'en parler un petit peu aussi. Il faut trouver le fil conducteur de la pensée de l'auteur, ce qui veut dire de quoi l'auteur est-il en train de parler. Ça, c'est cette quatrième étape-là se fait à partir de vos structures que vous avez trouvées tout à l'heure, de vos outlines. Okay? De là, vous allez pouvoir situer votre texte dans ses contextes. Okay? L'auteur est en train de, si vous êtes, mettons, dans les derniers chapitres de Jean, Jean, je pense, c'est lui qui prend le plus de chapitres pour la dernière semaine de la vie de Jésus. Avez-vous déjà remarqué ça, que les évangiles sont divisés bien drôlement? Trois chapitres pour la naissance. Cinq chapitres pour la mort. Ça, c'est juste trois jours, puis une semaine. Puis au milieu, trois ans, c'est moins de chapitres. Il passe bien plus vite sur les trois ans, parce que le plus important, ça nous dit quoi? C'est très, très important sa naissance, c'est très important sa mort. Entre les deux, c'est moins important. J'y mets moins de temps. C'est ça que l'auteur est en train de te dire. J'y mets moins de temps. Parce qu'il en parle juste pendant cinq chapitres, pendant trois ans. Mais il a pris cinq chapitres pour parler de la dernière semaine. C'était important, ce bout-là, là. Puis je pense que l'Évangile de Jean prend plus de temps encore. C'est au chapitre 13 que Jésus va dire à Judas, « Va faire ce que tu as à faire. » C'est le dernier repas, la Sainte Cène. Puis de 13 jusqu'à 21, c'est la dernière semaine. Hey, il en parle du temps, là. Il en met des détails, là. Et vous allez voir, si vous ferez le soutien, vous verrez que Jean, à cause qu'il parle de Jésus étant le Fils de Dieu, c'est le seul qui va dire, quand Jésus a dit, « Qui cherchez-vous? » Ils ont dit, « Jésus de Nazareth, je le suis, tout le monde tombe à terre. » C'est le seul qui parle de ça, Jean. Les trois évangiles synoptiques, Jésus est une victime. Il se fait attraper et il se fait tuer. Ah, il veut. Dans l'évangile de Jean, si vous lisez bien la différence, il organise sa mort. Parce qu'il est Dieu. Judas, c'est là, vas-y. Lève-vous-en, on s'en va à telle place. Il s'en vient de le chercher. Si je voudrais, je pourrais tout vous tuer là, mais je me laisse prendre. Tout l'évangile de Jean démontre que Jésus organise sa mort, planifie sa mort, utilise les hommes, la société, pour mourir sur la croix. Il est au contrôle de sa vie. Il donne même son esprit. Il est en train de mourir sur la croix. Père, je mets mon esprit entre tes mains. Il décide de l'heure de sa mort. Essayez ça, vous autres, ouais. Puis n'importe quel malade. Bon, je remets mon esprit entre tes mains, Dieu. Il sera pas mort, le gars. Jésus décide de la seconde qu'il va mourir. Je remets mon esprit entre tes mains et il meurt. C'est fait là. Il décide. Il est Dieu, ce gars-là. Dans les autres évangiles, c'était pas ça. Mais si tu prends la structure et tu étudies ton contexte, tu vas voir ça. Là, la Bible devient intéressante à étudier. Tu découvres ça. J'avais jamais vu ça, ça faisait 10 ans que je lisais la Bible. Mais c'est parce que tu as arrêté et tu l'as lu 30 fois et tu as fait des recherches, tu as gardé une structure. Tu dis, ah ouais, c'est vrai la différence entre les deux. Voilà la différence entre les deux. Entre Matthieu et Jean. C'est pour ça qu'elle avait besoin de 4 évangiles. Chacun a donné ses, petites, ses idées différentes là-dessus. C'est, ben, c'était Dieu qui dirigeait tout ça. Il a inspiré ces hommes-là. Mais j'ai parlé, quand j'avais enseigné ça, l'évangile de Jean, à la Sarre, il y a une femme qui nous voit, ça fait 30 ans qu'elle lisait la Bible, qu'elle était chrétienne. Elle dit, j'avais jamais vu ça. T'es content de y apprendre de quoi? T'es content? Ça fait 30 ans. Puis là, je lui ai montré quelque chose. Puis elle dit, Jésus, il ne s'est pas fait tuer. Il a donné sa vie. Vous voyez la différence? C'est une grosse différence. Une grosse différence. Juste parce que j'ai montré. Là, ça, elle savait que Jésus avait donné sa vie. Mais là, elle voyait que c'est lui qui avait organisé sa mort. Il avait contrôlé tous les événements. Puis il disait aux hommes, là, je suis prêt à mourir. Mon heure est venue. J'y vais. C'est moi qui décide quand je vais mourir. C'est pas vous autres. C'est moi qui vais mourir. Comment? À quelle heure je vais mourir? Vous allez me crucifier à quelle heure? Je vais mourir à 3 heures. J'ai décidé que c'était à 3 heures que je mourrais. Pourquoi? Parce que ça représente toute une histoire par rapport au temple, aux agneaux qu'on tuait, tout ça. Ça se faisait à 3 heures dans l'après-midi dans le temple. Pendant que dans le temple, on tuait les agneaux pascal, lui, il mourait à 3 heures aussi. Là. Mais vous, quand on connaît ça, ça devient « Ah! » C'est plus que juste une histoire, cette affaire-là. Là. Il y a un Dieu en arrière de ça qui contrôle les événements. Puis là, ça te fortifie dans ta foi. Puis ça donne de l'audace quand tu parles, mon gars, aux gens, tu deviens un peu fanfaron des fois. Mais on devait te se mettre des fois arrogant parce qu'on en connaît assez. Puis on dit, j'ai un contrôle sur la conversation. Je pourrais même te bourrer, là. Mais c'est pas mon but. Mon but, c'est d'aider à comprendre qui est Jésus. Mais tu n'as plus peur de la question des gens. Tu n'as plus peur de raconter n'importe qui parce que tu comprends ce que tu crois. Tu sais pourquoi tu le crois. Tu peux prouver pourquoi tu le crois par les Écritures. Puis même l'histoire alentour. Appuie ce que tu crois. Tu n'as pas peur de le montrer. Mais la part des chrétiens, on a une certaine crainte au début. Puis si on ne fait pas cette recherche-là, on a un petit peu peur parce qu'on a toujours peur de se faire planter. Surtout quand ça. Les êtres humains, on n'aime pas ça se faire planter par ça. Surtout quand ça cogne le samedi matin. Ah ouais. Mais on n'aime pas ça se faire planter. On n'aime pas ça se faire poser des questions et qu'on ne sait pas quoi répondre. C'est un petit peu un sentiment d'humiliation. Mais quand le gars se présente devant toi, qui que ce soit, et que tu es assis là, puis tu sais que tu as les réponses. Tu as un petit sourire sur le coin des lèvres avant qu'il commence à parler. Vas-y. Quand mon beau-frère l'autre jour, il m'a commencé à me dire, la Bible, c'est pas vrai. Vas-y, amène-les à tes objections. Je les connais, les réponses. Tu vois, ça donne de l'assurance. Tu es paisible, tu es calme, tu n'es pas nerveux, parce que tu connais les réponses. Il dit, ouais, non, c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas... Puis là, j'ai demandé, as-tu déjà lu la Bible, mon... Mon beau-frère, je n'aime même pas son nom. Mon beau-frère, tu as déjà lu ça? Il dit non, jamais lu. Mais il dit, c'est pas ça que tu comprends pas. C'est valable. Tu comprends pas parce que tu l'as jamais lu. Si tu l'avais lu, il y a certaines choses là, que tu as dit que tu ne dirais pas. Là, c'est lui qui s'est assis. Là, il dit, ouais, j'avais jamais pensé à ça, François. Il dit, je vais avoir d'autres questions. Donc, là, il commençait à comprendre que je ne disais pas ça n'importe où parce que j'avais entendu ça d'un prêtre ou d'un pasteur à quelque part. Je savais de quoi je parlais. Et là, tu découvres, pour lui, ça a un impact dans sa vie. Un impact. Ça ne le sauve pas. C'est Saint-Esprit qui sauve. C'est Dieu qui sauve. Mais ça lui donne, ça me donne une certaine crédibilité. Il va m'écouter plus facilement. OK? Donc, dans votre 4e étape, vous pouvez marquer les petits sous-points. Rencontre avec Nicodème. Ça, c'était le contexte immédiat. OK? Rencontre avec Nicodème, c'est le contexte immédiat. Deuxième sous-point. Sors-tu à doigté? T'as-tu la doigté pour écrire? T'as-tu la doigté, la vraie doigté pour écrire? OK, ah, vas-y mon chum. Deuxième, réaction au miracle de Jésus. C'est la deuxième. C'est le premier contexte, c'est rencontre avec Nicodème. Le contexte un peu plus large, réaction au miracle de Jésus dans Jean chapitre 2, versets 23 et 25. Un peu plus large. Oui, c'est le contexte un petit peu plus large. Et contexte encore un peu plus large. Tu as dit réaction, hein? Réaction au miracle de Jésus. Jean 2. Il est marqué en dessous. Oui, parce que toi, tu as toutes mes notes, parce que je t'ai donné la nouvelle version d'un matin. Ah, OK. Jean 2, versets 23 et 25. À 25. L'autre sous-point, ministère de Jésus à Jérusalem. Ton texte encore plus large. Ministère de Jésus à Jérusalem, Jean 2, 13. Quand j'étais un jeune chrétien, à un moment donné, j'ai pris les quatre évangiles, j'ai essayé de faire un évangile avec ça. Ben, j'ai tout pris les évangiles, je les ai mis en ordre chronologique, autant que je pouvais. Quand j'étais rendu à trois quarts, je me suis aperçu qu'il y avait des livres qui avaient fait ça, fait que je travaillais pour rien. J'étais acheté les livres à la place. Mais ça m'a amené à comprendre, à suivre le flot de la vie de Jésus. Tu sais, que c'était important de savoir où est-ce qu'il se situait. Ça me faisait, c'est-tu le premier mois, ça, qui a dit ça, ou c'était le sixième mois? Comme quand vous arrivez à l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, Jésus chasse les vendeurs du temple dans le chapitre 2. Dans tous les autres évangiles, c'est au chapitre 20, à la fin du ministère de Jésus. Là, tu te dis, comment ça que c'est-tu deux fois qu'il a chassé les vendeurs du temple? Jean l'a-tu mis au début? Puis c'était vraiment au début que ça s'est passé? Ben non, Jean l'a mis là, mais ça s'était passé à la fin. Il faut que je décide, là. Moi, je crois personnellement qu'il y a eu deux fois, Jésus a chassé les vendeurs du temple deux fois. Au début de son ministère, puis à la fin de son ministère. Il y a des pasteurs qui disent non, c'est eux qu'une fois, puis ils l'ont mis à différentes places. Moi, je pense que c'est deux fois. Deux fois différentes. Jésus l'a fait pour deux raisons différentes. Et l'auteur, Jean, lui, il prend la première parce qu'une raison, pourquoi? Jésus a dit, détruisez ce temple, et je vais le rebâtir en trois jours. Et ses disciples se souvinrent, après qu'il est ressuscité, qu'il avait dit ça. Voilà. C'est un homme ordinaire, ne peut pas dire ça. Pour qu'il puisse dire ça, c'est parce qu'il est le Logos qui s'est fait chair. Il est en train de bâtir encore son argument que le Jésus de Nazareth, en chair et en os, c'était plus que ça, c'était un Dieu fait chair. Parce qu'un être humain ne pourrait pas dire ça. D'abord, il ne connaîtra pas l'avenir. Il ne saura pas que dans trois ans après, il mourrait. Il ne saura pas qu'il ressusciterait trois ans après. Il ne saura pas qu'il ressusciterait trois jours après. Il ne saura pas ça. Mais Jésus, au début de son ministère, sait qu'il va mourir et sait qu'il va ressusciter trois jours après. Comment ça qu'il sait ça? Un homme ne peut pas dire ça. OK? Donc, c'est des petits détails de même qui vont ressortir de vos recherches. Et je vous dis, si vous aimez étudier, ça va vous emballer. Vous allez passer des heures et des heures à étudier. Ça va vous dire, hey, je découvre des choses, j'apprends des choses. À chaque fois que mon nez dans la Bible, j'apprends des nouvelles choses. Et là, c'est pas juste que je le savais, je l'avais déjà entendu, mais là, je le vois, je le découvre, puis je le comprends. Puis je peux le démontrer à quelqu'un d'autre, puis je peux le prouver à quelqu'un d'autre. Ça devient très fortifiant pour la foi. Très fortifiant pour la foi. Le dernier, c'est marqué, « Quand vous aurez bien situé votre texte dans son contexte, vous avez accompli l'une des étapes les plus importantes. Prenez votre temps, car ceci vous facilitera les autres étapes et vous évitera d'enseigner des choses qui ne sont pas dans le texte. Il ne faut pas passer à une autre étape avant d'avoir bien contrôlé celle-ci. » OK? Donc, situer votre texte dans votre contexte, c'est en grande partie, le travail va être fait pour le restant d'interprétation du texte. Votre interprétation du texte n'est pas encore faite, là. Vous n'avez pas interprété rien, vous autres. Vous avez cherché l'histoire, la géographie, c'est qui l'auteur, la date, c'est où ça se situe dans le livre, quand est-ce que Jésus a dit ça, au début du ministère, à la fin du ministère, il dit ça à des chrétiens, il dit ça à des inconvertis. Là, vous avez tout situé ça, vous avez ça dans votre tête. Là vous allez commencer après à interpréter les textes un peu plus loin. Vous n'avez pas commencé à interpréter. Mais votre interprétation va être beaucoup plus facile et ça va se faire beaucoup plus vite que si vous sautez cette étape. Si vous n'avez pas bien fait, là, des fois, il y a des gens avec lesquels j'ai fait de l'homélétique. L'homélétique, c'est comment préparer le sermon à partir de l'herméneutique que tu as fait. Quand il préparait l'homélétique, je disais, tu n'as pas fait ton herméneutique, c'est pour ça que ton homélétique n'est pas correct. Si tu avais fait ton herméneutique correct, ton homélétique serait plus correct que ça. Mais il n'a pas fait assez de recherche, donc il a prêché quelque chose, un peu de travers, sans tenir le contexte. c'était pas très puissant comme conviction. Là. Comme, parce qu'il n'a pas fait son manuscrit comme fou. Fait que, moi, je me dis, si tu prends la décision de te présenter devant 30, 50 personnes et prêcher, hein, et que tu n'as pas pu le temps de bien faire ton herméneutique, prêche un sermon de MacArthur. Ça va être moins dangereux pour tout le monde. Moins dangereux pour toi, moins dangereux pour l'Église. Prends un sermon de quelqu'un d'autre qui a préparé son travail, qui a fait des recherches, qui va dire Dieu a dit, parce qu'il n'a plus le temps de chercher, que Dieu a dit ça. Fais ce que tu voudras, mais prends-en un qui l'a cherché. Bon, maintenant, on va voir le petit devoir. Hein? Écrire une ou deux pages sur l'ensemble du livre que vous voulez enseigner afin de voir si vous comprenez bien le contenu. Si vous prenez premier épître de Jean ou Colossiens, écrivez-moi, comme vous l'entendez, deux pages de cartable sur ce que vous savez du livre. Vous pouvez suivre le dictionnaire Emmaüs. Vous pouvez commencer à dire voici c'est qui l'auteur, voici c'est qui, à qui qu'il écrivait, voici la date à peu près que ça a été écrit, voici le but que ça a été écrit, voici un petit peu ces idées-là, là, de quoi ça parle dans le livre. Deuxième point, faites l'esquisse avec les outils. Trouvez-vous une esquisse ou un outline ou une structure, puis écrivez-la. OK? Donnez-moi-la. Ça, les structures, on ne les a pas dans les dictionnaires. Oui, vous avez des dictionnaires, vous avez des commentaires. Comment tu fais pour chercher la structure? Tu lis tous les commentaires, toutes les... Tu prends, mettons, tu t'en vas, Jean 1-1. OK. Dans Jean 1, si tu rouvres les notes, là, dans les commentaires, tu sais comment ouvrir les commentaires à droite, oui, sur ton texte. Allez-y, on va en faire un. OK. OK. Fermez votre... Mettez-vous dans Jean 1. Cliquez à droite sur votre souris, sur le verset Jean 1-1. Vous avez ouvrir une note. C'est le premier en haut d'habitude ou le deuxième. Cliquez. Il y a d'autres choses qui apparaissent. Oui, là, il y a un paquet de commentaires qui apparaissent. Chaque jour, l'écriture. Oui, ça, c'est tes commentaires que tu as dans ton logiciel. Tu n'en as pas beaucoup, tu en as quelques-uns. Dans un de ces commentaires-là, clique sur celui-là. M-H-C-C-F, là. Bon. Femme des mains ici. Non, femme celui-là, OK. Non. Ça, là, lui, il va, ça, c'est une introduction. Si tu lis ça, si tu vas jusqu'en bas, je ne sais pas s'il y en a une, tu vas voir une introduction, peut-être. Tu vas te donner une introduction. Attends, je l'agrandis. Ouais, tu descends donc. Non, lui, il part, c'est ça qui a fait tu sais, sa division. Moi, ça, c'est ça, ça fait 1, 2, 3, 4, de diviser son livre en 4, 5. OK, je vais t'expliquer tout. Ouais, là, il part de verset 1 puis ça va. OK, ça, les versets, okay. Ça, c'est les versets. Ça, c'est sa structure ici. Il nous parle de. Ça, c'est son interprétation. OK, ça, c'est son commentaire ici. Ça, c'est sa structure. Ça, c'est ça. Ouais. Tu sais, il a divisé son livre, regarde, par chapitre. C'est des chapitres, là, aussi? Ça, c'est chapitre 1 à 5. Non, lui, c'est ça. Ça, c'est la division de son chapitre 1. Simplement. Mais il n'y a pas de structure, là. Il ne l'a pas fait. Il ne te l'a pas donné. Si tu vas dans les... Tout à l'heure, on a fait tout. Si tu vas dans le dictionnaire Emmaüs, Évangile selon Saint-Jean, si tu lis ça, il donne une structure dedans. Un peu, juste à la fin. OK. OK. Puis pour aller dans Emmaüs, pour chercher mes c'est mes ton dictionnaire. Là, tu dis, maintenant, tout à l'heure, on a marqué Jean. Si vous marquez Jean, vous allez voir Évangile selon Saint Jean. Si tu prends Évangile selon Saint Jean, deux fois, bon, dessin ici. Dessin. Oups, ça doit arriver là, encore un petit peu. Là, tiens, il est parti d'ici, quand il a fait une structure. Okay. Verset 1 à 8, 12, il va faire une structure. Il s'en va dessus. Ton omniscience. OK, donc il donne une structure. Comment il a divisé son livre, lui? OK? Tant que j'ai grandi ça. Si tu vas sur l'Internet et tu marques comme recherche dans Google ou dans Yahoo, structure de l'Évangile de Jean ou plan de l'Évangile de Jean, Ou si tu comprends en anglais « Outline of Gospel of John », ils vont te sortir des sites Internet où ce que c'est fait. Fait que tu vas cliquer sur une, puis ça va être, mettons, Père Gimbal. Ça peut être John MacArthur qui a fait une structure là-dessus. Ils en ont mis, là. Tu as des structures qui sont toutes faites. Et tu vas choisir laquelle qui, selon toi, reflète le mieux le livre que tu as lu pendant 30 fois. Tout simplement. Mais trouve une structure. Si tu as fait une lecture d'un petit livre de 3 chapitres, comme Colossiens, et que tu es bon en français, ben tu peux faire ta propre structure. Ça ne change rien. Tu es capable de faire fallir, c'est encore mieux. Tu peux dire... Une des façons de faire ça, là, tu peux prendre, mettons, un petit livre, comme l'Épître de Jean, Colossiens. Tu peux prendre chaque verset dans un cartable ou dans Excel, dans n'importe quoi, dans Word. Tu mets Colossiens 1:1, Colossiens 1:2, Colossiens 1:3, Colossiens 1:4. Tu mets tous les versets. Tu vas écrire dedans qu'est-ce que le verset 1 parle, qu'est-ce que le verset 2 parle, qu'est-ce que le verset 3 parle, qu'est-ce que le verset 4 parle. Et là, tu vas. Tu as fini ça, ça va avoir pris peut-être une semaine. Tu vas. Regarde, les 10 premiers versets, ils parlent de Jésus. Voici, là, j'ai une structure. Chaque verset. Oui, tu peux le faire de même. Là, tu vas regrouper tes 10 versets. C'est ça qu'ils ont fait quand ils ont divisé votre Bible en chapitres puis en paragraphes. C'est ça qu'ils ont fait, eux autres. Ils ont pris Jean 3, verset 1 jusqu'au verset 18, rencontre avec Nicodème. Ils ont fait ça comment? Bien, ils ont fait chaque verset de quoi ça parlait, puis ils ont dit, bon, mais ça arrête là. Rendu à 18, ça change. Et là, Jésus est parti, il s'est en allé ailleurs. Donc, c'est fini. Là, ils ont fait une division, Jean 3, rencontre avec Nicodème. Mais maintenant, ils ont fait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, ils disent, ah, rendu ici, il s'en va en Galilée. Fait que les 3 premiers chapitres, ça se passe à Jérusalem. Quand j'ai fait mes cours, on faisait ça. Il disait, le professeur disait, OK, on va analyser un Jean. Là, on arrivait, on a fait notre cours, on avait des papiers longs comme la table, des feuilles attachées ensemble. Tous nos versets, là, on s'en allait comme des comment on appelle ça, des parenthèses. Là, on mettait nos parenthèses, puis on arrivait au bout avec le titre du livre qu'on voulait donner. Au bout, on disait, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc là, comment je suis arrivé à déclarer ça? Là, tu avais toutes les séquences, mais ça nous avait pris 2 semaines à le faire. 13 heures par jour, 14 heures par jour d'études, pendant 2 semaines à Montréal. On avait lu 1200 pages pendant ces 2 semaines-là. Mais c'était pas un cadeau à étudier, là. Garanti. Puis on payait en plus pour faire ça. Ils auraient dû nous payer pour le faire, mais on payait. Mais ça, là, tu peux faire les structures de même. Mais vous n'avez pas le temps de faire ça, donc... Si vous cherchez la structure, si vous marquez dessus, structure de l'Épître aux Colossiens. Mais chaque commentaire, dans ta Bible, tout à l'heure, tu n'avais pas beaucoup de commentaires. Daniel devrait mettre des commentaires dans sa Bible-là ou dans celle-là. Hein? OK. Tout à l'heure, mais tu pourras les mettre dans celle-là. Pour avoir. Moi, j'en ai peut-être, si là, en anglais et en français, j'en ai peut-être une trentaine. Mais j'ai tout mis ce que j'ai trouvé, ou à peu près, en anglais et en français, parce que je lis l'anglais. Fait que j'ai ce privilège-là d'être capable de le faire. Donc, il y a beaucoup plus de matériel en anglais, de valeur, mais c'est comme ça. Comme ça. Si tu avais 20 ans, tu voudrais devenir pasteur, je dirais, apprends l'anglais. Avant d'apprendre le grec et l'hébreu. C'est bien plus utile pour toi. Parce que tout se passe en anglais, là, 90%. Fait que tu as besoin de savoir l'anglais. Quand je me suis converti, à l'âge de 26 ans, j'avais appris l'anglais, moi, à 20 ans. Quand j'étais à Toronto, 2 ans. Je me suis converti. Là, j'ai dit pour la première fois, merci mon Dieu que j'ai appris l'anglais. Parce que je m'en suis jamais servi pour autre chose que ça, quasiment. Quand je me suis converti, j'en avais besoin. Et j'ai dit, hey, mon ami, je suis content. Dieu, dans sa souveraineté, m'avait amené à étudier l'anglais pendant 2 ans. Donc, mais je ne savais pas que trop de vocabulaire... théologique en anglais. Je fais plutôt les mots du bar ou de la grande rue à Toronto. Mais j'ai dû apprendre le vocabulaire théologique. Mais je parle anglais pareil. Donc, c'était plus facile. OK? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez trouvé votre structure. Donc, vous faites 2 pages sur le livre. Vous me donnez sur une autre page votre structure. Et 3, écrivez une demi-page sur le contexte immédiat de votre texte. Si vous choisissez, mettons, Jean 3,16, ben, vous allez me dire, mais Jésus, il a dit ce verset-là en étant en train de parler à Nicodème, qui était, selon moi, un exemple de ceux qui avaient cru au miracle de Jésus, mais Jésus ne faisait pas confiance. Mais ça s'est passé juste après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple, après qu'il ait fait... Parce que comment Nicodème a-t-il pu dire, « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, à cause des miracles que tu fais, faut-lui qu'il ait vu des miracles. » Et là, vous avez ces miracles-là dans le chapitre 2, dans le chapitre 1. Il se passe des miracles, et Jésus fait beaucoup de miracles à Jérusalem. Donc, Nicodème est un de ceux qui les a vus ou qui en a entendu parler. Et là, il croit que Jésus c'est le fils de, qui est un prophète venu de Dieu. Mais il est loin de croire qu'il est Dieu. Bien loin de croire qu'il est Dieu. OK? Mais à la fin du chapitre, à la fin du livre, on pense qu'il le croit. On n'est pas sûr à 100%, mais on pense qu'il le croit. OK? Donc, ça, c'est votre petit devoir pour la prochaine rencontre. Les écritures qu'on aime. Oui, oui, oui. Même peut-être que vous avez un sujet que vous voulez étudier, que vous aviez à cœur d'étudier dans le passé, puis prendre ça, là. Vous dites, mais moi, j'avais à cœur d'étudier tel passage, je n'ai jamais fait le temps. Mais comme je vous dis, je vous conseille de prendre un petit livre. Ouais. Mm-hmm. Mais mettons qu'on veut étudier comme un sujet dans la Bible, comme la prière ou la foi ou... Ça, c'est pas ce genre d'études-là qu'il faut que tu fasses. OK. Là. Ça, c'est des études systématiques ou thématiques qu'on appelle. C'est pas tout à fait ça. Si tu veux prendre un texte qui parle de la prière, puis l'étudier dans son contexte, comme on va faire demain, on va être, demain matin, on va regarder Matthieu chapitre 6. J'enseigne sur la prière, mais j'ai choisi un texte où ce que Jésus dit, si vous priez, dites. Okay? Je prends un enseignement de Jésus sur la prière. Comme si on étudie sur la foi, on va aller dans Hébreux 10 ou 11. 11, OK. Tu pourrais dire, je vais étudier l'Épître aux Hébreux, parce que je veux étudier chapitre 11, moi. OK, mais pour étudier chapitre 11, il va falloir que tu lises l'Épître aux Hébreux plusieurs fois, faire son contexte historique, OK? Mais si tu as un sujet comme la prière, tu pourras prendre un texte dans un petit livre comme Colossiens. Est-ce que Paul parle de la prière dans Colossiens? Puis prendre ce petit texte. OK, mettons qu'on veut étudier ce thème-là, mais dans un livre. Tu prends Colossiens, tu le lis au complet. Ah, Paul, il dit... Ma prière pour toi, c'est que tu... Puis là, il parle de qu'est-ce qu'il prie. Tu vas dire, ah, moi, je vais étudier ça. Je vais prendre ce texte-là de base, puis je vais faire une recherche dans l'ensemble de l'Épître aux Colossiens. Qu'est-ce que Paul est en train de vouloir dire par ce petit verset-là? Mais pour qu'il le comprenne, je vais dire, petit verset, texte, contexte, livre, Nouveau Testament, et là, je vais monter comme ça, OK? Oui. Oui. Oui. OK, j'ai terminé.